L'actualité à Nancy et ailleurs. Rita Thirion, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association départementale des visites des malades en établissements hospitaliers et de centres de soins ou de vie. Et nous allons donc découvrir en votre compagnie cette association. Depuis quand elle existe ? Sur Nancy, elle existe depuis 1968. En France, c'est 84 associations, je crois. C'est ça, 84 associations départementales, y compris l'outre-mer. Donc, elle est implantée à Nancy depuis déjà de nombreuses années. Oui. Expliquez-nous, alors, tout est un peu dit hein, dans le nom de l'association, visite des malades en établissements hospitaliers et de centres de soins ou de vie. Expliquez-nous plus en détail, peut-être. Le rôle de nos bénévoles, c'est d'aller visiter des patients à l'hôpital ou en EHPAD, et des patients qui sont isolés. Nous formons ces bénévoles afin qu'ils se trouvent, en empathie avec ces patients qui sont isolés. Vous êtes combien de bénévoles, notamment sur Nancy ? Sur Nancy, on doit peut-être une bonne vingtaine, essentiellement basés sur Brabois, sur le CHU de Brabois, et dans quelques EHPAD de Nancy. C'est un rôle essentiel dans ce parcours médical complémentaire de venir rendre visite à ces personnes. Nous ne sommes pas du tout dans le domaine médical. Nous nous situons comme complémentaires aux soins, c'est-à-dire que nous apportons un soutien psychologique aux patients qui se trouvent en difficulté. Ce sont les patients qui font appel à vous ou vous y allez des médecins, des soignants ? Nous avons divers canaux. Au niveau du CHU de Brabois, par exemple, nous sommes implantés dans certains services et là, nous y allons très régulièrement. Mmh. Sinon, il y a des médecins, des directeurs d'EHPAD qui font appel à nous pour que nous puissions aller visiter les résidents, par exemple. Donc, à ce moment-là, on établit une convention pour que nos bénévoles aient une responsabilité civile, quoi, si vous voulez, hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, une chute, quelque chose. Donc, tous nos bénévoles sont assurés par nos soins. Et on va parler un peu aussi de la formation, hein, parce que ce n'est pas forcément toujours évident d'aller à la rencontre de personnes en fragilité. Mais pour parler peut-être de votre parcours, vous êtes aujourd'hui vice-présidente de l'association départementale. Vous avez été présidente. Qu'est-ce qui vous a amené à vous investir au sein de cette association ? Ah ben écoutez, moi, je suis une ancienne soignante et j'ai exercé pendant plus de 35 ans au CHU de Nancy. Et je me disais, en prenant ma retraite, que j'avais encore beaucoup de choses à donner. Et que cette expérience que j'avais acquise au niveau du CHU, j'allais pouvoir la redonner aux patients. Donc, je me suis engagée dans la VMEH et j'y suis toujours depuis maintenant une quinzaine d'années. Et parmi vos bénévoles, ce n'est pas forcément des anciens soignants ou soignants actuels, hein, ça peut être des profils très variés. Non, je crois que je suis la seule soignante, ex-soignante. Ouais. Non, tous les autres viennent de tous les milieux. Nous avons des professions libérales, nous avons des salariés, mais pour la majorité, ils sont tous retraités. Parce que nous demandons un engagement quand même d'un après-midi par semaine. Mmh. Et il est vrai que les personnes qui travaillent ne peuvent pas vraiment se libérer, sauf s'ils sont à temps partiel. Dans cette démarche d'aller à la rencontre de ces personnes, c'est juste la discussion, c'est jouer avec eux dans certains cadres aussi, c'est quoi ? Essentiellement, au niveau du CHU, nous avons un rôle d'accompagnement et de soutien. Nous allons les voir, nous nous présentons, nous leur demandons si effectivement ils acceptent qu'on vienne les voir et discuter un petit peu avec eux. Et dans les EHPAD, par contre, on peut avoir un rôle au niveau de l'animation. Nous accompagnons l'animation qui se passe dans les EHPAD. On peut visiter en chambre, mais on peut aussi participer aux animations dans les EHPAD. Alors, pour se préparer et pour participer en tant que bénévole à votre association, vous organisez régulièrement des formations. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste. Alors, tout d'abord, moi, je reçois la personne qui désire s'engager parce qu'il faut quand même être sûr de ses motivations. On ne vient pas chez nous par hasard. Donc, à ce moment-là, je la confie à une ancienne, donc à notre responsable qui est sur Brabois. Et pendant 6 à 8 semaines, elle est en visite accompagnée avec un ancien, une sorte de compagnonnage, pour savoir si effectivement il ou elle se sent capable d'accompagner des patients, parce que c'est pas toujours facile. Et nous, comme nous ne sommes pas soignants, les malades souvent nous confient des choses qu'ils ne disent pas aux soignants, parce qu'il n'y a pas la barrière du soin, il n'y a pas la barrière de la blouse. Et nous sommes, j'allais dire, comme des amis qui venons les voir. Il y a un rôle de médiation entre les patients et puis le médical ? Très peu, parce que nous sommes tenus à la confidentialité, au secret professionnel, et nous n'avons pas à dire aux soignants ce qui s'est passé pendant l'entretien, sauf si nous pensons que le patient est en danger. Alors à ce moment-là, on peut peut-être dire aux soignants, écoutez, je pense que monsieur ou madame Untel ne va pas bien. Voilà, mais on n'ira pas au-delà. Oui. Parce que sinon, les patients n'auront plus confiance. Et nous, notre rôle, c'est vraiment la confiance qui se joue entre eux et nous. Pour devenir bénévole, comment on fait ? Donc, on vous contacte tout simplement, voilà, vous avez dit, on vous rencontre ? Tout simplement, on nous envoie un petit mail ou un petit coup de téléphone, que nous les recevons à notre siège social, qui est à l'hôpital central à Nancy. Et puis, nous voyons avec eux, on a un entretien d'environ une heure, pour voir un petit peu ce dont ils ont envie. Nous leur demandons s'ils préfèrent aller auprès des malades ou auprès des résidents, parce que les motivations sont pas toujours les mêmes. Par exemple, quand ils vont voir des malades, en court séjour particulièrement, la durée moyenne de séjour étant tellement rapide maintenant qu'ils ne voient les patients qu'une seule fois. Donc, c'est quelque chose qui se renouvelle toutes les semaines. Par contre, en EHPAD, on peut suivre les mêmes personnes pendant des années. Donc, il y a vraiment un lien qui se crée ? Il y a un lien qui se crée, un attachement quelquefois qui est fort, parce que souvent ces personnes-là n'ont plus de visite. Et en fonction des désirs de la personne, donc une fois qu'elle aura fait ses 8 semaines de compagnonnage, on a la formation, j'allais dire, initiale, qui est une petite formation à l'écoute, une formation à la confrontation au deuil, et puis surtout, la défense et aux droits des usagers. Et ensuite, je crois aussi que régulièrement, vous organisez d'autres formations. Il y a des formations continues, oui, autour d'un sujet d'actualité, voilà, hein, c'est ça ? C'est ça, oui, oui. Donc, c'est justement la fédération qui nous donne le thème. Cette année, ça devait être sur la santé numérique. Ça n'a pas pu se faire, mais tous les intervenants qui avaient préparé quand même sont OK pour recommencer. Donc, on verra ça, je pense, au cours du premier semestre. Voilà, donc on peut suivre votre actualité. Alors, il y a un site national, hein, qui est www.vmeh-national.com. Et pour vous contacter, oui, donc sur Nancy, vous êtes à l'hôpital central. Un numéro de téléphone, peut-être, que vous pouvez donner ? Oui, c'est le 03 83 85 13 52. Il faut savoir que nous ne sommes au siège qu'une seule fois par semaine, le mardi après-midi, et que le mieux, c'est d'envoyer un mail, parce que tous les mails me sont retransférés et je les ai immédiatement. Alors, à l'adresse ? Donc, c'est vmeh en minuscule, @chru-6nancy.fr. Ne pas oublier de mettre son numéro de téléphone pour que je puisse recontacter immédiatement. Merci beaucoup, oui, Rita Thirion. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.